problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Jean-Philippe Durand. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ah, correct, bon oui. Mathieu Bouillon. Hey, bonjour. Salut Mathieu. Ça va bien? Ouais. Comment oui. Comment ça va toi Mathieu? Hey, ça va super bien. Ouais, parfait. J'ai notre invité extra sauce, Martin Boily. Salut JP, yeah! Salut yeah! Mathieu, salut Frédéric. Ah, on l'a poussé. Ouais. Ah. Oui. Oui, il faut que je dise en partant que je n'étais pas censé à la base être un des panélistes. Martin, t'es fait pour ça. Tu vas tellement être bon. Parce que moi-même, étant un grand fan de l'émission Pas de problème, je sens que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas Martin. Digne d'être avec vous, arrête, messieurs. Martin. T'es déjà plus haut que nous, hein? Ouais. Ah ouais. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Et je suis très heureux et voire même... choyé, flatté ouais. D'être parmi vous. Mais pense à toutes nos mauvaises solutions qu'on a faites depuis le début de ce podcast. Il n'y en a jamais. C'est ça qui est pas mêlant, c'est qu'il n'y en a jamais eu des mauvaises. Flatté du papier de toilette. Oui, vous êtes à l'intérieur, vous pensez que des fois vos solutions sont mauvaises, mais nous, ceux qui vous écoutons, on trouve tout est bon. Mathieu, tout ce que tu dis est drôle. Ben non. Oui. Ben non. Bien, mais tu n'es pas de mauvaise foi. Ah, tu parles jamais. Et Fred, tu fais un excellent travail. Wow. Je vais vous le dire, moi. Mais on a déjà répondu à un de tes problèmes, Martin, qui était « j'ai des poux dans le pubis ». Oui, et la solution est excellente. Tu les avais bien bulldozés, comme on te l'a dit. Bulldo-rasés. Excellent. Donc, c'est ton baptême, Martin. Oui. Tu oui. nous as déjà proposé plusieurs solutions via Twitter. Oui, je pense 3 en 200 podcasts. Oui. C'est vrai, mais des bonnes. Et maintenant, c'est le temps. Mm. C'était la solution préférée de la semaine passée. Oui, oui. L'infidélité. Là, c'est vrai. Hein? Mais j'avais tout prévu. Podcast 161, on refait le monde. Oui. Avec un problème qui nous venait d'un membre du public lors exact. De notre dernier podcast. Au mois de décembre. Oui, devant le public. Oui, novembre, pardon. Oui. Hey, je voulais faire peut-être une petite parenthèse. Vous habitez loin de Montréal? Mm-hmm. Vous voulez qu'on enregistre dans votre patelin? Hey! Ben là, allez voir le maire de votre communauté. Maire, oui. Débloquez un budget, faites-nous venir. Ça va nous faire plaisir oui. de se déplacer, d'aller enregistrer dans votre patelin ou pas loin. Ah, oh, oui, exact, c'est sûr. Oui. Ouais. Ben là. T'imagines à quel point ce serait absurde? T'sais, une réunion d'hôtel de ville, on est les quatre là, on règle c'est le budget drôle. De la ville, tout croche. Non, mais moi, c'est pas Mathieu Roth mange ouais. des chips. Moi, je dis qu'on charge 10$ chaque. Ben non! Et ils me font moi, des gros dis yeux. 1500. 1500 chaque. De quoi? Qu'est-ce que... Ah oui, OK. Oui. Là, mais on fait aussi des fêtes d'enfants? Oui. Oui. Avec Boileau le clown. Oui. Boileau le clown. Et le set de jokes salés de Mathieu. Oh oui, des vrais chips. Pour quand les enfants vont de dos. Quand ils font de dos. Ouais, après ça, on va savoir ça, les vinaigres. Mm. Le problème de cette semaine. Oui. Oui. Jean-Philippe. Justement, de l'enregistrement public, comme tu disais, Fred, comment bien se vendre en entrevue pour un emploi? Mm. C'est dur à faire. Martin et moi, d'ailleurs, on a déjà vécu une expérience ensemble d'entrevue qui était la chose la plus gênante que je me rappelle. Mais on s'était bien vendu. On s'était bien vendu, par contre. On passait l'audition pour être des personnages qui étaient Gaspard et Théo dans le cadre du 400e de Québec. Et on savait pas c'était quoi à l'époque, une audition, on n'avait pas faite. Et on avait, parce qu'on était Martin et moi, on était au conservatoire ensemble. Donc après pour les ça, deux vous premières êtes arrivé années, avec du bois puis des clous. De quoi? Non, mais oui. C'est quoi ça? Une audition? Je comprends oui. pas le concept. Oui. Exactement. Oui. Bon, on s'était rendu là-bas, puis au début. Mais on s'attendait pas à passer une audition. On pensait pas, on pensait qu'on l'avait parce qu'on est arrivé là-bas, puis on nous a fait remplir des feuilles de mensuration. Puis nous, on savait pas que c'était normal de remplir ça au début. Puis on s'est dit, c'est dans la poche, Martin. Tu sais, voilà l'affaire. On va s'acheter des selles après. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Oui. Mais. On remplit ces papiers-là et le gars commence à nous faire faire de l'impro dans un bureau. Fait qu'il tasse les bureaux puis il nous fait faire de l'impro. Dieu. Mais de l'impro, là, top gênante où on était. Qu'est-ce qu'on faisait, non? Ben, il nous a demandé de faire à la manière de Marc Labrèche. Oh mon Dieu! De faire un apothicaire et son sous-fif. Ah, il disait ça, sous-fif. Je dis pas qu'il avait dit son sous-fif. Ah, sacrément! Puis t'en rappelles-tu, on avait fait l'impro avec des brocheuses, des cartons. Oui, on improvisait avec ce qu'on trouvait dans le petit locker qui nous servait de loge ou de coulisses. Terrible. Puis le gars nous disait des affaires, puis on faisait oui de la tête, oui, parfait. Puis dès qu'on arrivait derrière du mur, on pleurait de rire. Je peux pas croire. Tu sais, Phil, le plus Marc Labrèche, qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Mais on l'avait eu, ceci dit, on l'avait eu. Vous êtes vendu. Je pense qu'on va mettre une photo sur notre page Facebook de vos deux grosses faces sur l'autobus. En Gaspard et Théo. Je pense pas la seule qui existe dans le condo de Martin. Ouais, j'en ai une photo, mais je pense qu'ils n'ont pas en trouvé une sur Internet si vous tapez. Non, je pense pas. Oui. Oh, non, mais allez pas voir ça. On tape maintenant. On a juste pas dit les bons mots qu'on les dira jamais parce que nous, on sait c'est quoi les bons mots. C'est pas Gaspard et Théo? Ben, je pense pas que vous allez trouver ça avec Gaspard et Théo. 400e, roulotte, quelque chose de genre. Le nom de cette roulotte-là. Le nom de cette affaire-là est beaucoup plus précis. Oui. Okay. Mais vous, messieurs, des emplois? Mais moi, j'ai confiance en nos auditeurs. Mais moi, je pense avoir déjà auditionné pour Ronald McDonald sans le savoir. Oh! Sans le savoir? Ben voyons donc. On me disait pas c'était quoi, mais fallait être gentil avec des enfants. Puis on improvisait une situation où il y avait un père qui était tanné. T'sais, on a attendu 2 heures pour te voir. Mais... Oh mon Dieu! C'était pas un random? Oui, c'était peut-être ça aussi. En tout cas, je suis content de ne pas l'avoir eu, mais... Non, t'es pas content de ne pas l'avoir eu parce que Martin et moi, encore une fois, dans le même cadre de ce contrat-là, oui. À un moment donné, on fait de l'animation, on a chaud que le Chris, mettons, oui. Et il y a un Hummer qui arrive par-dessus la montagne, qui bloque le soleil. Ronald McDonald sort, fait un show de 5 minutes. Oui, il fait un show, il parle pendant 5 minutes, il dit « Hey, salut tout le monde, merci à mes techniciens », ça c'était son gag. Et là, il dit « Il y a quelqu'un qui veut vous parler », et là, il a passé une vidéo de 15 minutes d'Alexandre Despatie qui parle, ouais. Et après ça, il est reparti dans son Hummer. Là, il a fait tirer un vieux iPod Shuffle, le nouveau venait de sortir, Dieu. Il a fait tirer un ancien. « Badabing, badabing, bonsoir tout le monde, salut, je Ronald McDonald. » C'est vraiment crusty. C'était exactement crusty. Dans un Hummer, il est vite teinté pour être sûr que le monde puisse pas le reconnaître. Les gars, les lunettes fumées, tu sais, c'est malade. Incroyable. Incroyable. Oh, mon Dieu. Fait que c'est ça que t'aurais fait, Fred. Ça aurait pu être toi, Fred, t'as rendu compte? Hey, qui dit que c'était pas moi? Mathieu, toi, t'as plus une job... À entrevue d'emploi, oui, c'est mettons. Ça, hein? Mais reste que c'est quand même des rencontres un peu informelles, tu sais. Mm. Donc, ben moi, des vraies entrevues d'emploi, j'en ai raté aussi. Moi, j'ai raté... ma première entrevue d'emploi, je voulais travailler au McDo à Rimouski et je n'ai pas eu la job parce que j'ai dit quelque chose comme « Je suis pas bon en cuisine, mais j'aime le travail routinier. » Genre, je sais pas trop. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu l'as dit comme, même? Ouais, un peu insulté peut-être. Ben, je pense que c'est important quand tu passes une entrevue d'avoir une réponse déjà toute prête à la question « C'est quoi ton pire défaut? » Oh! Je sens que c'est une question qui revient souvent dans les entrevues. Oh oui, hein. Les gens me reprochent d'être trop généreux. Ben, les gens souvent vont répondre « Peut-être que je suis trop perfectionniste. » Mais ça, c'est mais je pense cliché. Que c'est une erreur parce que tout le monde c'est une erreur, répond tout ça. Le monde dit ça. Mm. Moi, je pense que c'est la franchise maintenant qui l'emporte. T'sais, c'est sûr que tu ne vas pas dire « Je suis vraiment un trou de cul puis je vole la monnaie. » Je suis menteur. Je suis tellement à l'heure, c'est gossant. Ah ouais, c'est ça. Je m'en demande mais je suis désorganisé un peu. Ouais. Je pense que ça peut bien passer. Je travaille tout le temps plus. C'est 5 payés. Oui, je regarde pas les heures. Je regarde pas les heures. Ouais, je me fais crosser. Oui, je me... Mais il y a aussi la pourquoi toi puis pas quelqu'un d'autre? Ah, mais ça, c'est plate. Eh oui. Tu sais, on dirait que c'est comme des vieilles techniques d'entrevue. Oui, c'est ouais, comme ouais, on va te pogner. C'est comme la souricière. C'est dégueulasse, ces entrevues-là. Ah, ouais. C'est comme pas honnête, on dirait. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, mais faut s'habiller propre. Oui. Oui, d'habitude, c'est il faut s'habiller une coche en haut de ce que l'emploi demanderait comme tenue vestimentaire. Ça, moi, j'ai déjà entendu ça. Ouais. OK. Donc, j'aurais dû avoir un costume de du roi de Burger King. Oui, exact. Mais admettons que tu postules, tu passes une entrevue pour un emploi à la bourse, mettons. Oui. C'est comment tu topes ça au niveau vestimentaire? Ben, c'est un monocle et une perruque frisée moche. Non, mais je pense que c'est là que tu sors un très, très beau complet et une très belle cravate. Là, okay. Deux cravates. Deux cravates. Oui. De la tête. Un nœud papillon, des bretelles et une ceinture. Ouais. C'est ça, tout ensemble. Ouais. Tout est là. Mais, tu sais, mettons, un vrai conseil. Moi, je trouve que, tu sais, quand tu arrives là avec genre, eh ben là, je vais me vendre. Là. C'est vrai que c'est pas bon. On dirait que c'est comme de se connaître soi-même, puis d'être intègre avec soi-même un peu. Puis, tu sais, oui, connaître ses forces, mais tu sais, ne pas sentir le besoin de les étaler au grand jour non plus. Tu sais. Mm-hmm. Mais des fois, ça fait l'effet contraire de ne pas en dire assez. Ouais. Ouais, de là, il faut que ben, là, la personne lit ton CV et elle fait ouais, mais t'as fait ça aussi. Oui, oui, j'ai fait ça aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es franc, puis quand tu t'es toi-même, je sais que ça a l'air éculé comme affaire. Ouais. Mais non, mais t'as beau pas donner d'informations, tu donnes assez d'informations en étant toi-même, j'ai l'impression. Exact. Si, s'ils sont intéressés à ta personnalité, ben là, ils vont checker ton CV. Ouais. J'ai l'impression. T'sais. Quand ils te posent des questions, tu ne le liras pas dans la face. Exact. Quoique d'habitude, c'est le contraire. C'est, ils checkent ton CV, puis après, t'es convoqué en entrevue. Oui, c'est ça. Mais tu sais, s'ils sont vraiment intéressés, ils vont peut-être relire le CV. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que aussi un petit truc de même, j'ai l'impression que si on te demande ta disponibilité pour l'entrevue, d'essayer d'y aller le plus tôt possible le matin. OK. Ça donne l'impression d'être quelqu'un qui se lève tôt. C'est bon, c'est ça, Martin. Bon, ça. Ouais. Oui, donc. J'aime tu dis à quelle heure qu'il fait ton affaire? Tu dis, vers 5h30. C'est ça. On m'appelle l'heure des poules. 3h15 avant le soleil. Finalement, il rentre de sortir. À la sortie des bars. Ça, c'est pas mieux. Ça, là. Je dirais entre le candy bar et le métro. Peut-être demander à un de ses amis overachievers, mettons, de simuler une entrevue d'emploi, t'sais, et se mettre même dans les deux rôles. Tu demandes à ton ami de t'interviewer un petit comme 5-6 minutes. Mais moi, je pense qu'il faudrait là, sortir toutes les questions là, classiques qu'on peut là, parce qu'aujourd'hui, ma blonde me demandait, aujourd'hui même, elle allait passer une entrevue, puis elle dit, dis-moi non, tu sais, pose-moi non des questions. Puis je sais pas, moi, j'en ai pas passé d'entrevue. Mais c'est quoi ces genres de questions-là? Oui, c'est quoi ton pire défaut? La qualité, c'est sûr. Ben, pour vrai, moi, mais tu sais, souvent, les bases d'entrevue d'emploi que j'ai eues étaient vraiment basées sur mon CV. T'sais. Ils regardent ça, puis te posent des questions sur ta vie. C'est ça. Fait que tu restes le fun, tu sais. Ici, j'ai 125 questions. Je ne vous dirai pas les 125, okay. Là, mais parlez-moi de vous. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Quels sont, d'après vous, vos deux principaux défauts, vos deux principales qualités? Que vous apportent vos loisirs? Comment travaillez-vous en équipe? Ça, c'est quel type de difficultés avez-vous du mal à gérer? Il ressemble aux défauts, pas mal. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? C'est important très bon. De savoir, ça aussi, j'ai l'impression. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? C'est vrai qu'il demande ça. Où tu te vois dans 5 ans? Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ça, c'est toujours le fameux bout en anglais. Oui, le niveau d'anglais. And how's your English? Well, it's very good. Charlene went shopping. It's the rain outside. It's the rain. It's the rain. Mais t'as trouvé ça où? Écoute, je pense que... Évidemment. Internet. Les internets. Non, c'est 125 questions posées en entrevue d'embauche, en entretien d'embauche. Donc, c'est un site français. Ouais. Fait que la question numéro 1, c'est « Nous permettez-vous de fumer à l'intérieur? » C'est trop. Quelle année c'est du coup commencer Montréal. Alors, c'est... du coup. Donc, c'est français, je pense. C'est peut-être français. Ouais. Bon. Je pense que si les gens qui donnent l'entrevue aussi sont intelligents, ben, ils ont l'espèce de bullshit détecteur qui sentent à 100 000 à l'heure que tu es en train, que tu n'es pas à l'aise, donc que tu recours à. Au mensonge ou à enjoliver la vérité. Mais ils ont aussi le bullshit détecteur est des fois confondu avec le stress détecteur. Ils font il est peut-être un peu stressé. Mais c'est ça, tu gages le pourcentage des deux. C'est vrai. Des fois, ça peut passer un peu. Oui. Pourquoi pas répondre à l'entrevue un peu postmoderne, genre Scream, où ils posent des questions, puis tu fais « Pensez-vous vraiment que je vais vous dire mes deux pires défauts? » Toujours! Un ton ironique, sexy. Ou le jeu, toujours répondre avec une question. Oui, c'est drôle, ça. Toi, parle-moi de tes défauts. Ouais, assez parlé de moi maintenant. Toi, tes expériences. Puis toi, t'en as des défauts? Oui. Où je me vois dans 5 ans? Ben, je sais pas. Toi, t'es où dans 5 ans? Toi, t'es où dans 5 ans? T'es-tu ma boss dans 5 ans? Avec toi. Avec toi. Qu'est-ce que ça tente de faire? Mais change-moi cette teinture-là. Elle est hideuse. Ou dans un leaking. Tellement. Y aller... dès sa première job, dès que tu réussis une entrevue puis tu as une job, ouais, est tellement incroyable que le restant de ta vie, tu te fais référer. Référer. Oui. Ah, c'est bon. Un peu comme New York, New York de Robert Lepage. Tu sais, tu as fait l'entrevue là, qui a tout changé les entrevues. Puis après ça, tu n'as plus besoin de faire d'entrevue. Ouais. Mais pourquoi pas faire une petite solution, tenter le tout pour le tout. Ouais. Mettons, tu vises, je sais pas, là, le président de la NASA. Et tu lui écris, tu lui dis, hey, écoutez, ça vous dérangerait-tu de me faire une simulation d'entrevue? Je suis pas vraiment intéressé à travailler pour vous, mais passez-moi une entrevue quand même, comme si vous alliez m'engager. Ouais. Et puis là, tu n'as rien à perdre, et puis tu te vends, puis le mieux qui peut t'arriver, c'est que tu as une job à NASA. C'est vrai. Ouais. Ou c'est le pire. Le pire. Ouais. Ou à plus petite échelle, juste un poste au-dessus de celui que tu veux. Ouais, ouais. Oui, c'est bien quand même. Le patron qui va t'interviewer après. Julie Payette, c'est comme ça que c'est arrivé. Oui. Ouais, elle voulait être secrétaire. Ouais. Exact. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu comme fantasme de, je sais pas, mettons, viser, aller porter un CV dans une banque, mettons, pour être président de banque. Ouais. Et puis là, il me passe en entrevue. Si je réussis là, vraiment à bien mentir, peut-être que je peux me faire engager pendant à peu près une semaine, le temps qu'ils se rendent compte que je connais rien là-dedans. Ouais. Mais j'aurais quand même eu une semaine de salaire à 300 000 par année. Hey, c'est drôle. Ouais, exact, c'est quand même. Il y a le Catch Me If You Can là-dedans. Ouais. Mm-hmm. Croire à son. Mais comment t'as fait pour passer le barreau? J'ai étudié bon, ça, comme jamais. Ah, c'est bon. Parce que juste dans le 3 mois probatoire, tu peux vraiment. Tu réussis à faufiler un peu. T'as-tu remis de mon rapport? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. 2 mois et 2 semaines. Toujours à la limite de 3 mois. Je suis désolé, j'ai de la mortalité cette semaine. Je sais que c'est ma première semaine de travail, mais je peux pas rentrer. Je suis désolé, je peux pas. Je commence avec mes congés de maladie tout de suite. Voyez-le ou non, je suis vraiment allergique à l'argent papier. Fait que tant que c'est pas tout en polymère. C'est possible. Je ne toucherai pas à. Je peux compter les 20 $, mais pas le reste. Pas le reste. Ouais. Les 100 $ aussi. Oui. Mais j'allais faire du chemin un peu sur ton idée, c'est que c'est quand même une pratique à la mode, le mentorat, ces jours-ci. Oui. Tu sais, il y a beaucoup comme de cadres qui ont envie de, je sais pas, là, former des relèves puis développer des liens de, je sais pas trop, là, de transfert de connaissances. Là. Fait que peut-être que tu pourrais te trouver un mentor dans ton domaine qui va comme t'aiguiller pour... Puis passer l'entrevue pour toi. Ouais. Ah oui, dire quoi dire. Puis, moi, je peux pas être là, mais mon mentor va venir. Mon mentor va être là. Paul Gérin la joie. Ou mon mentoré va venir passer. Ah oui, c'est ça, oui, mon mentoré. Oui. Mais sinon, je vois présentement sur Internet que le Carrefour Jeunesse Emploi offre justement des simulations d'entrevues, offre ce service-là. Exact. Tu vas aller voir, ils vont te donner des cues, j'imagine. Mais sinon, moi, j'ai de la misère à me figurer parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, j'ai arrêté de passer des entrevues à l'âge de 18 ans. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi les autres niveaux d'entrevues pour les jobs. Plus haut, c'est jobs juste cadre. Plus long. Ouais. Parce que c'est le même genre de question. Le genre de 15 minutes. Mais moi, tu sais, en fait, cette semaine, j'ai vécu un pitch qui prend relativement la même chose. Ouais, tu sais, c'est où vrai. Tu vas vendre des idées, tu vas vendre des affaires. Puis y a, c'est ça. Là, tu sais, ils sont prêts à t'écouter. En même temps, les gens qui sont là devant toi sont ouverts. C'est ça. À, ouais. Ben ouais. Avoir quelqu'un qui va être sincère, puis qui va se vendre, puis qui va. Tu sais, ils s'attendent pas à ce que quelqu'un. Disent rien. Là. Non. Mais non, puis au bout du compte, ça reste un peu un break dans leur semaine aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est le changement de leur travail, c'est d'autres choses. Puis tu sais, puis ils veulent cliquer aussi avec la personne. T'sais. Ben oui. Tu sais, si la personne qui te passe l'entrevue, c'est une petite folle, ben ça ne te tentera pas de travailler là non plus. Mais non, c'est ça. Il n'y a aucun intérêt à être nerveux. Je sais qu'on ne choisit pas les moments où on est nerveux ou pas, mais s'il y en a un où tu n'as pas à être nerveux, tu sais, c'est un service que tu leur offres dans le fond d'être engagé. Là, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, quand c'est un concours, admettons, qui a un poste et qu'il en passe 300 d'entrevues, c'est normal d'être nerveux. C'est sûr que là, ils sont peut-être un petit peu plus sélectifs. Le pourcentage n'est tellement pas pour toi. Ouais. Dans ce cas-là, tu peux ne pas être nerveux parce que tu fais. Les gens sont tellement minces. À la limite, c'est plus stressant quand il y a 7 postes d'acceptés sur 8. Là, tu sais, je veux pas être le gars. Tu sais, ça, c'est vrai. Ouais. Mais parlons-en quand même. Mettons qu'il y a 15 candidats en entrevue. Ça se peut. Comment tu fais pour être l'apertir. Il faut qu'il y ait un petit jazzer son CV. Moi, je pense qu'un élément qui n'est pas à négliger, c'est l'odeur corporelle. Ça laisse souvent une forte impression chez les gens. C'est vrai. Fait que c'est sûr là, de vraiment se jazzer un parfum pour être sûr de sentir le meilleur possible. Aussi. Non, mais justement, de bien doser, là, pas trop. Mais il y a aussi connaître son domaine. T'sais, si tu es dans le domaine d'Internet et technologie, parfum au bacon, ça, ça marche. Ça, ça passe. Mais le plus important, Fred, c'est de connaître l'entreprise pour laquelle tu passes l'entreprise. Fais des recherches avant. Oui. Ouais. Puis posant des questions aussi, tu sais, parce que ça concrétise la relation, on dirait, tu sais, OK, si j'avais ça, est-ce que je ferais ça, blablabla, tu sais, comme. Passe quelqu'un en entrevue chez vous de la place avant de passer en entrevue, tu sais. Oui, mais j'aurais quelques questions pour vous avant de passer en entrevue. C'est intéressant, ben oui, peut-être. Mais les cadeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Les cadeaux? Oui, mais il y en a qui font des CV funky ou qui donnent des affaires là, pour... Tu sais, arriver là-bas avec un petit quelque chose. Non, mais je sais pas où finir l'entrevue en disant « Bon, ben on se laisse, merci beaucoup. Hey, en passant, j'ai un billet de trop pour aller voir les Canadiens ce soir. Je sais pas si vous voulez m'accompagner dans ma loge. » Oui, c'est Yazoo, je savais pas à qui le donner. Je sais que ça vaut 400$ sur m'étonner si j'ai... J'ai appelé tous mes amis, personne n'a répondu. Personne le veut. Je vais les jeter, sinon... Voulez-vous? Hey, c'est niaiseux. Hein? Après ça, je m'en vais aux Juliette et chocolat, puis j'ai commandé 4 chocolats chauds trop. Oh. Je sais pas si... Je sais pas si vous avez deux personnes parmi les cadres qui veulent venir. Mais y a-tu vraiment des gens qui donnent des cadeaux en entrevue? Ça se peut pas. Moi, c'est comme ça que j'ai eu ma première job. C'est pas vrai. J'avais amené une portée de petits chats. tu me comptes des mots de dans une tarte. Par contre, j'avais une amie, c'est drôle, elle allait à une entrevue d'emploi, puis elle était de bonne humeur, puis elle avait arrêté acheter une fleur. Fait qu'elle était comme arrivée avec une fleur. Pour son employeur. Non, juste genre parce qu'elle la trouvait belle, puis c'était comme sa fleur. Puis elle était pas folle, là, elle était juste comme de bonne humeur. Puis ça, aujourd'hui, elle est folle, par contre. Non. Enfin. Je sais pas si ça peut être payant de se rendre attachant. Peut-être payer un enfant trisomique ou handicapé, ou si c'était vraiment un enfant trisomique, puis tu dis, excusez-moi, j'ai pas le choix, il faut qu'il soit avec moi pour l'entrevue, voulez-vous, il vaut mieux qu'attendre dehors. Je suis désolé, tu lui donnes le sein. Faut que je change son sac. Ouais. Non, ou de dire, il faut que je m'en aille, je m'occupe d'être enfant malade. Vous savez que c'est un trisomique du Paris des années 60? C'est encore plus ou de faire du bénévolat la semaine d'avant. Oui. Et pour juste le mettre dans ton CV la journée de l'entrevue. Ouais. Arriver là avec un chien Mira, mais tu sais, les bébés chiens Mira, là qui s'occupent des bébés chiens Mira, c'est l'affaire la plus cute au monde. Faut que je avec tout le temps. Oui, t'as le droit de le rentrer où tu veux en plus, c'est pour une bonne cause. Ah, j'avoue que c'est quelque chose. Ah, ça, c'est solide. C'est pas pire. Gardons ça pour en mémoire, là. Moi, ça va jusqu'à j'aime maintenant. J'aime ça. Ouais. Avoir peut-être une anecdote... qui va rester en mémoire aussi. Là, mettons, quand ils vont référer. Ah oui, ça, c'est le gars du parachute. Là, créer genre, le moment. Jingle, un petit jingle en sortant. Ouais. Oui. Barbouchi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est drôle, ça. Puis en passant, je m'appelle Mathieu Bouillon. Non, mais au créer le moment, je sais pas s'arranger pour avoir un stylo qui va briser dans tes poches. Fais, mon Dieu, je me suis inoubliable. Oui, ça me rend inoubliable. Le whoopee cushion. Ouais, ou comme dans Friends, là, quand... c'est quoi, elle y pogne le pénis sans faire exprès, je pense, parce qu'elle essaie de l'embrasser. Oui, c'est drôle, recevoir un appel pendant un texto, mettons, pour faire « Ah, désolé, c'est ma blonde, elle est sûre que je vais l'avoir. » c'est drôle, ça. Je pense qu'il faut miser sur... Des fois, il y a des entrevues à plusieurs personnes. Des fois, une personne. C'est vrai, c'est d'autres choses. S'il y a plusieurs personnes, miser au... Tu sais, si tu vois là, l'intérêt d'une personne, travailler cette personne-là jusqu'au bout, parce qu'elle, elle va fighter pour toi si elle te choisit. Oui, ça, t'sais. C'est vrai, c'est bon, ça. Donc, mais si c'est seulement un face-à-face, c'est de charmer. Mais c'est bon, ça ferait d'utiliser un peu la technique de Cruz. Tu le sens de toute manière. Tu rentres là, il y a 4 personnes, mais c'est celle-là, là, check bien. Ouais. Puis, tu sais, dans les entrevues groupées, ne pas être la personne qui parle le plus, ni être la personne qui parle le moins, tu sais, comme jauger tes interventions. Groupe, quelle heure. J'ai jamais vécu ça, je sais pas vous autres. Oui, j'ai déjà vécu ça. Des jobs de 4 jours, quand j'ai travaillé à l'aquarium de Québec. OK. Ça va être la crotte, ça. Ben moi, j'aime ça, les poissons. Et c'est sûr, t'as des numéros, là. C'est sûr. Des moi-jeux. Ben, en même temps, quand t'as tous des backgrounds différents, c'est... Tout le monde est un peu even. C'est... si tout le monde sort de la même école de biologie, dis-moi. Oui, c'est ça. Ben moi, je prends un bain de sel tous les soirs. Je mange du poisson. Mais ouais, un nom qui est déjà aquatique, genre Océane, tu sais, qui a une prédisposition, tu es né pour ça. Squidly Diddly. Mais j'avais Margot de l'eau. Margot a eu, elle a eu. Oui. Poisson oui. rose. Poisson rose, oui. Jean Fishlip. Oh! Wow. Mais Mathieu, tu vas peut-être corroborer mes oui. dires, mais j'ai entendu, moi, qu'en publicité, oui. les gens qui voulaient se démarquer essayaient à tout prix d'être original. J'avais entendu parler, là, comme quoi, que des ouais. fois, les CV qui arrivaient dans les boîtes de pub étaient... Il y a eu une alerte à la bombe une fois, non? Était funky. Ouais, c'était funky. En fait, moi, je suis rentré en pub par une espèce de concours de CV funky aussi. Ah oui? Un petit peu. Mais... Ils voulaient pas des trop funky, tu sais. C'était juste... Ah, c'est une question de dosage. Là. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, c'était beaucoup l'entrevue, tu sais. Je pense qu'il en prenait... Dans... Il avait reçu comme 300 demandes, je dois dire. Il en prenait 50 en entrevue, puis moi, c'est moi qui ai pris. Fait que j'étais quand même content. Mais mon CV était comme un peu funky. C'était quoi? En fait, ben tranche de vie. Là, ça, hein? Le concours s'appelait Carré de sable. Oui, c'était comme un programme de stage chez Cossette. Et moi, avec des amis de Rimouski, j'avais déjà gagné un concours de château de sable. Dans le fond, c'était comme original. Là, notre sculpture de sable, c'était un château de sable avec un c'était gars tombé. Un gros CV ouais. en sable. Non, mais tu sais, c'était comme un gars qui était tombé d'un château okay. de sable. Fait que c'était comme la photo de moi devant ça, puis qui était genre, voici ce que je peux faire d'un carré de sable. C'était ça. Puis mon CV, il y avait des jokes en annotation. OK. C'était ça. C'est une belle histoire, hein? Oui. Ouais. Non, mais c'était dans quoi? Je pense que c'est dans Arrested Development. Je me rappelle plus quoi. Il y a quelqu'un qui reçoit un CV, puis quand il l'ouvre, il y a plein de sparkle, des petits... Ouais, des brillants. Des brillants, là. Ouais. Ça tombe tout sur son bureau. Oui. Non, mais... Ça peut être troublant. Là. Je pense que j'avais entendu parler de... C'était comme fait en forme de bombe, son CV. Ouais, là. Ouais, genre, c'est moi, ça, là. Si ouais. vous m'engagez, j'éclate, là, quelque chose du genre. Mais les gens ont capoté, puis ils ont collé une alerte à la bombe, puis ils ont fait sortir tout le monde des tuffes. Ouais. C'est un peu comme schizophrène de ouais. Ninja. Il y a un gars qui avait envoyé une poche de son propre sang, qui était genre, vous avez besoin de 109. Oh, ouais. Dégueulasse. Ça, c'est épouvantable. Ouais, ouais, un gars qui avait amené genre un fauteuil, vous avez maintenant une place pour moi. Tu sais, c'était comme... C'est un peu années 90, là, ces affaires-là. Mais c'est pas des légendes urbaines. C'est vraiment arrivé pour vrai. Que... Mais ces gens-là se trouvent ouais. jamais de job. En théorie, non. Là. C'est trop gimmick. T'sais, quand c'est trop comme... Ben, en même temps, peut-être qu'un jour, ils changent de stratégie. Ils vont pas envoyer ça coûte un cher, sofa. Des fauteuils. Ouais, mais après ça, je sais pas si le monde se rappelle. Enfin, oui, ça, c'est le gars du sofa. T'sais. Ouais, mais tu... Puis là, si le monde trouve l'eau... pas encore le gars du sofa. C'est vrai que c'est comme on a déjà 12. Ouais. Mais je sais pas s'il avait envoyé 10 fauteuils dans les 10 boîtes de pub principales de Montréal. Le dernier, c'est un tabouret. Il n'y avait plus d'argent. Ouais. Enfin. Fait que. Le gars, il arrive en entrevue, puis c'est tous ses fauteuils. Puis il fait. Oh. Oh. Whoop. Il a remeublé. Ben écoute, on dirait qu'il n'y a pas de secret. Hein. C'est un peu comme. Mais créer l'événement, là. Ouais. Je trouve ça bon, moi aussi. Créer un petit moment complice, là. Ouais. Chercher c'est quoi la fibre complice avec l'employeur. Il faut faire s'assurer. Attention pour pas que ça devienne l'anecdote. Pourquoi ils t'engagent pas? Parce qu'ils veulent continuer à dire l'anecdote, puis ils se sentiraient trop mal. C'est ça, ouais. Que tu sois au bureau. Mais tu sais, être attentif aussi dans le bureau, je sais pas s'il y a un cadre de l'employeur qui est en train de faire arbre en arbre, mettons, puis de dire, hey, moi, j'ai un gros fan d'arbre en arbre. Là, c'est pour ça que j'ai plein. Ah, vous faites ça, vous aussi. C'est ça. Tu prends la photo. Non, ça, c'est un accident. J'étais tombé d'un arbre. Ouais. C'est tout. Ouais. Hey, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le email ou l'appel d'après l'entrevue. Ça, c'est quoi votre politique en matière on est censé faire ça? Moi, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas, OK. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. On est censé écrire à l'employeur après? J'ai passé après? Une entrevue phénoménale. Genre, c'est comme, c'est merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Juste ça. Juste, tu sais, merci, puis... Rien de plus. Et s'il fallait faire ça à chaque audition qu'on fait, c'est pas rien. Merci d'avoir texté pendant que je disais les lignes de la pub. Merci d'avoir baillé au bon moment. Ouais. Mais c'est un beau monde, ça. Moi, j'aimerais ça être impliqué là-dedans dans la vie, genre des entrevues d'emploi. On dirait que c'est Ouais, c'est voir les gens sur la sellette, là, puis voir, ah ouais, lui, il a amené ça. Ou... Pour toi, pourquoi toi, puis pas quelqu'un d'autre? Ben, c'est vrai. Ben ouais. Un jour. Non, mais j'aimerais ça avoir une réponse. Ok, pourquoi moi j'aurais la job? Ouais, je sais pas. La job de choisir les gens. Elle est trop plate, cette question-là. Je sais pas. Plate. Ben, pas dans ce contexte-là. C'est vraiment penser que tout le monde veut changer le monde avec son emploi. Ouais, c'est ça. Au bout du compte, oui, mais tu fais grâce. C'est comme genre un test d'humilité aussi. Comme genre, tu sais, prenez-moi parce que je suis le meilleur. Ben, non, c'est parce que vous me préférez, tout simplement. Ouais. Parce que le choix s'impose de lui-même. Oui, messieurs, je ne veux pas dire tout de suite ma solution préférée, mais le chien Mira, je trouve que c'est dur à battre. Oui, c'est dur à battre. Le bébé chien Mira. Un bébé chien Mira. Adorable, il joue. T'sais, pis c'est plus important que l'emploi encore pour toi, la santé des autres. C'est un don de soi. Pour moi, c'est que du bon. Ouais, tu peux te dire, même si j'ai pas la job, au moins, je vais avoir Poppy pour me réconforter. Ouais. Tu arrives en chaise roulante. Mm-hmm. Tu passes l'entrevue. Puis à la fin, tu fais... Écoutez, je sens quelque chose. Puis là, je suis guéri. Vous m'avez guéri. C'est les bonnes vibrations du bureau. C'est un problème. Ah, je me sens bien ici. Je ne voudrais pas savoir ce qui m'arriverait si jamais vous ne me choisissez pas. Ah ouais. Quelque chose qui doit être drôle à essayer, là, c'est de dire « je t'aime » à la fin de l'entrevue. Merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Déjà, ça doit être hilarant. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, mais ça fait partie de créer l'événement. C'est sûr que le gars va se rappeler de toi. Je vais dire bye. Je t'aime. Oui, il va arriver à la maison, il va dire chérie, tu sais pas qui j'ai passé en entrevue. Le gars me dit je t'aime. Ah ouais? C'est qui, c'est un gars-là? Des entrevues pourquoi? Des entrevues quoi? Pour remplacer ta blonde plate? Il faut faire attention aussi, des fois, on est trop confiant parce qu'on s'est fait référer par 8 personnes dans le bureau. Ça, c'est vrai. Mais t'arrives, tu fais « Hey, on va parler de ma job. » Ouais. Fait que... Oui, puis tu sais pas comment que le gars fait confiance aux gens. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est dangereux aussi de trop parler de son ami qui est dans la boîte. Là, oui, ça, c'est vrai. Ouais. Il est bon, Julien. Ah oui, c'est une personne formidable. Oui, ça, c'est un bon danger. Bon danger. Je suis sûr qu'il y a des livres aussi là-dessus. Hein, comment arrivent ces entrevues? Aucun livre. Aucun. Mais quelque chose d'informel, des fois. Moi, je sais que ça, c'est plus ça qui m'arrive. Là, oui, j'ai donné ton nom. Elle aimerait ça te rencontrer. Ouais. Puis, mais c'est pas... C'est flou un peu. Là. Tu sais pas si c'est vraiment une entrevue ou pas. Ouais, hein, j'avoue. Hein. Des entretiens, je dirais que c'est ça. Des rencontres. Si tu dois choisir une place, quelle place tu choisis? Une place qui te ressemble. Oui. Ouais. Un donjon. BDSM. Ouais. Mais c'est subjectif. Hein, ou des petites pièces de karaoké, là. Tu sais, les karaokés fermés, là. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais. Non. Tu disais, Martin? Non, je disais que c'est subjectif, en fait. Si l'employeur t'aime pas la face, t'as aucune chance. Là, c'est fini. Mettons, le matin dans le métro, il s'est fait piler dessus par un gars qui te ressemble. T'as beau être le plus compétent de la gang. Je pense que ça arrive préparé. Puis, c'est pour ça qu'il faut pas trop en faire non plus. C'est comme les auditions, c'est la même affaire. Tu le sens des fois que ça marche pas. Là, t'as qu'à rester là pour essayer de t'abattre. Tu fais bonne journée. Non, mais le piège, c'est que des fois, tu te dis, est-ce qu'ils ont senti la même chose que moi. Ouais. Moi, je me suis mal senti, mais peut-être qu'eux m'ont trouvé formidable. Exact. Ouais, c'est sûr. Mais si tu t'es mal senti, il faut faire confiance à ta sensation, je pense. Il y a aussi, tantôt, tu parlais d'habillement. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi la technique « je vais m'habiller dans des vêtements que j'aime et dans lesquels je suis bien ». Oui, c'est vrai. Et je vais être bien. T'sais, parce que des fois, quand tu mets quelque chose de propre, t'es un peu « squeeze ». Peut-être pas un One Piece en velours. Quoique. Ça fait un statement. Moi, je suis bien avec vous. Oui. Bourgogne. Une chemise de vampire. Ou le tracksuit d'un mafieux russe. Là. J'ai pas fini de vous surprendre. Ma solution préférée? La sincérité. Les chiots, sincérité. Faire confiance, la sincérité, voilà. Mais les chiots, moi, je pense que c'est une situation, c'est comme une solution pour plusieurs problèmes dans la vie. Ah, c'est parfait. Ouais. Approcher les filles, Mais c'est ça, mais il faut pas qu'il flatte. Ouais. Non, mais c'est justement, c'est encore... Tu sais, le chien fait le don de lui-même de pas se faire flatter pour ouais. aider les gens. Dans le fond, c'est peut-être la crosse de faire... Tu fais juste y mettre un petit foulard rouge, là, puis tu dis... Pourquoi? Ah. Pourquoi? Puis après, ils vont... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec le chien? Ouais, ça a pas marché, il était pas fait pour ça. Non, c'est ça. Ouais. Martin? Ben moi, je pense que c'est faire appel à la fibre complice et ouais. chercher la complicité avec la personne. Essayer de mm-hmm. trouver là, où est-ce qu'il y a le petit filon qui fait qu'il va, il va t'aimer plus. Il va, va se sentir bien avec toi. Il va avoir envie de travailler avec toi. Ouais. Et écouter le podcast « Comment faire un CV pour mon employeur dise c'est lui qu'il me faut ». Qui sort de la Mon pile. Dieu, ouais, c'est ça? Oui, c'est vrai. Oui. Faudrait que je le réécoute, celle-là. Mm-hmm. C'est un vieux, celui-là. Oui. Ben alors, je sais pas, ouais, c'est ce dent inconnu qui nous a envoyé ça. Bonne chance. Non, mais c'est quelqu'un qui était venu à notre podcast live. Oui. Ouais. Et sur Twitter, ben il y a personne ce soir. Alors voilà, ouais. Donc si vous avez des problèmes ou des solutions à nous proposer, allez sur Facebook, Twitter ou par courriel, hein, tout simplement. Oui. Mm-hmm. Donc pas de problème sur Twitter, pas de problème sur Facebook et... pas de problème @gmail.com pour courriel. Mathieu, as-tu quelque chose à nous plugger? Oui, nous jouons tous à la Lime dimanche soir au Lion d'Or, 20h, citronlime.com pour tous les détails. Solide. Oui. Ouais. Et moi, pendant qu'on écoute ce podcast, je suis probablement en train de varloper des Français en Europe. Ah! Oui, ouais, c'est vrai. Oui, ça va être trippant. Eh bien, amuse-toi bien. Oui. Varlope, Fred. Du coup, tu vois, bon voyage. Hé, hey, Martin, je pense que c'est toi qui vas dire le mot de la fin. Oh! Hé, hey, mais si vous ne ferez pas cet honneur-là, ben, pour un bien podcast. Wow. Bon, et tout le monde... Tu peux dire nous, hein, parce que tu étais participé. C'est pas juste moi, c'est pas ils ont. Vas-y. Non. Nous avons un problème. Oh. on a un problème. Vous avez un problème. Nous avons un podcast. Yeah! Yeah! Merci Martin, bravo. Ça crée un moment. On l'engage. Oui. On l'engage.